Amis humains, bonjour. Cinquième volet 2. Nous assistons à l'écroulement d'un monde, des forces immenses sont sur le point d'être déchaînées. Entretien avec Frédéric Lordon. Frédéric Lordon est économiste. Il est directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de sociologie européenne, CSE. Comédie sérieuse sur la crise financière. En quatre actes, et en alexandrin, seuil, 2011, capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, la fabrique, 2010, et l'intérêt souverain. Essai d'anthropologie économique, la découverte, 2011. Il a accordé un long entretien à la revue des livres fin décembre 2011. Il nous livre ses commentaires et analyses de la crise économique actuelle et de ses origines. Avec un ton incisif et un regard acerbe, il revient sur les causes et effets de la crise elle-même, mais commente également le traitement de l'économie par les médias, la place de l'économie au sein de l'institution universitaire, et l'éventuelle sortie de l'euro. Sonnant le glas du projet néolibéral, l'actualité est, nous dit-il, une occasion unique de changement profond, un monde s'écroule sous nos yeux. Dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Marx, mi-consterné, mi-sarcastique, soulignait déjà l'incapacité de la bourgeoisie à dépasser ses intérêts tous les plus bornés et malpropres. Un siècle et demi plus tard, on ne peut toujours pas dire que la rationalité, fût-elle celle des intérêts particuliers des dominants, soit le moteur de l'histoire. D'une certaine manière, il faut en prendre la meilleure part. Après tout, la catastrophe étant sans doute le mode historique le plus efficace de destruction des systèmes de domination. L'accumulation des erreurs des élites actuelles, incapables de voir que leur rationalité de court terme soutienne une gigantesque irrationalité de long terme, et cela même qui nous permet d'espérer voir ce système s'écrouler dans son ensemble. Il est vrai que l'hypothèse de Libri, comprise comme principe d'illimitation, n'est pas dénuée de valeur explicative. C'est d'ailleurs une façon d'en revenir à la discussion précédente sur le néolibéralisme, ou plutôt sur ce qui subsiste en lui de vétéro, et même d'ultra, car c'est bien l'abattement des dispositifs institutionnels de contention des puissances qui pousse irrésistiblement les puissances à propulser leur élan et reprendre leur marche pour pousser l'avantage aussi loin que possible. Et il y a bien quelque chose comme une ivresse de l'avancée pour faire perdre tout à mesure et réinstaurer le primat du malpropre et du borné dans la rationalité des dominants. Ainsi, un capitaliste ayant une vue sur le long terme n'aurait pas eu de mal à identifier l'état-providence comme le coût finalement relativement modéré de la stabilisation sociale et de la consolidation de l'adhésion au capitalisme, soit un élément institutionnel utile à la préservation de la domination capitaliste à ne surtout pas bézarder. Évidemment, sitôt qu'ils ont senti faiblir leur rapport de force historique, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale leur avait imposé la sécurité sociale, ce qui pouvait pourtant leur arriver de mieux et contribuer à leur garantir 30 années de croissance ininterrompue, les capitalistes se sont empressés de reprendre tout ce qu'ils avaient dû concéder. Aux États-Unis, les conservateurs, qui n'ont pas peur de se montrer pour ce qu'ils sont, ont donné à cette perspective de reconquête son nom le plus clair, Harold Back Agenda. Il faudrait pourtant s'interroger sur les mécanismes qui, dans l'esprit des dominants, convertissent des énoncés d'abord grossièrement taillés d'après leurs intérêts particuliers en objets d'adhésion sincère, endossés sur le mode la parfaite généralité. Et peut-être faudrait-il à cette fin relire la proposition 12 de la partie 3 de l'éthique de Spinoza selon laquelle l'esprit s'efforce d'imaginer ce qui augmente la puissance d'agir de son corps, qu'on retraduirait plus explicitement en nous aimant à penser ce qui nous réjouit, ce qui nous convient, ce qui est adéquat à notre position dans le monde, etc. Nul doute qu'il y a une joie intellectuelle particulière du capitaliste à penser d'après la théorie néoclassique que la réduction du chômage passe par la flexibilisation du marché du travail. Comme il y en a une du financier à croire à la même théorie néoclassique, selon laquelle le libre développement de l'innovation financière est favorable à la croissance. Le durcissement en énoncé à validité tout à fait générale d'idées d'abord manifestement formées au voisinage immédiat des intérêts particuliers les plus grossiers trouve sans doute dans cette tendance de l'esprit son plus puissant renfort. C'est pourquoi la distinction des cyniques et des imbéciles est de plus en plus difficile à faire, les premiers mettant presque fatalement pour prendre la forme des seconds. À bien y regarder, on ne trouve guère d'individus aussi nets, il faudrait dire aussi intègres, que le Patrick Lelay de TF1 qui peut décider à s'embarrasser des doctrines ineptes et faussement démocratiques de la télévision populaire. déclarait sans embâche n'avoir d'autre objectif que de vendre aux annonceurs du temps de cerveau disponible, rude franchise dont je me demande s'il ne faut pas lui en savoir gré, au moins, on sait qui on a en face de soi. Et c'est une forme de clarté loin d'être sans mérite. Pour le reste, il y a des résistances doctrinales faciles à comprendre. La finance, par exemple, ne désarmera jamais. Elle dira et fera tout ce qu'elle peut pour faire dérailler les moindres tentatives de réglementation. Elle y arrive fort bien d'ailleurs. Il n'est que de voir l'effrayante indigence des velléités régulatrices pour s'en convaincre, comme l'atteste le fait que, depuis 2009, si peu a été fait que la crise des dettes souveraines menace à nouveau de s'achever en un effondrement total de la finance internationale. Pour le coup, rien n'est plus simple à comprendre, un système de domination ne rendra jamais les armes de lui-même et cherchera tous les moyens de sa perpétuation. On conçoit aisément que les hommes de la finance n'aient pas d'autre objectif que de relancer pour un tour supplémentaire le système qui leur permet d'empocher les faramineux profits de la bulle et d'abandonner les coûts de la crise au corps social. Tout entier, forcé, par puissance publique interposée, de venir au secours des institutions financières, sauf à périr lui-même de l'écroulement bancaire. Il faut simplement se mettre à leur place. Qui, en leur position, consentirait à renoncer. Il faudrait même dire davantage, c'est une forme de vie que ces hommes défendent, une forme de vie où entre aussi bien la perspective de gains monétaires hors normes que l'ivresse d'opérer à l'échelle de la planète, de mouvementer des masses colossales de capitaux, pour ne rien dire des à côté les plus caricaturaux, mais bien réels, du mode de vie de l'homme des marchés, filles, bagnoles, dop. Tous ces gens n'abandonneront pas comme ça ce monde merveilleux qui est le leur, il faudra activement le leur faire lâcher. C'est en fait à propos de l'État que le mystère s'épaissit vraiment. Préposé à la socialisation des pertes bancaires et au serpillage des coûts de la récession, littéralement pris en otage par la finance dont il est condamné à rattraper les risques systémiques, mais, il passe celui qui aurait le plus immédiatement intérêt à fermer pour de bon le foutoir des marchés. Il semble que poser la question ainsi soit y répondre, mais logiquement seulement, c'est-à-dire en méconnaissant sociologiquement la forme d'État colonisé qui est le propre du bloc hégémonique néolibéral. Les représentants de la finance y sont comme chez eux. L'interpénétration, jusqu'à la confusion complète, des élites politiques, administratives, financières, parfois médiatiques, a atteint un degré tel que la circulation de tous ces gens d'une sphère à l'autre, d'une position à l'autre, homogénéise complètement, à quelques différences secondes près, la vision du monde partagée par ce bloc indistinct, la fusion oligarchique, et il faudrait presque comprendre le mot en son sens russe a conduit à la dédifférenciation des compartiments du champ du pouvoir et à la disparition des effets de régulation qui venaient de la rencontre, parfois de la confrontation, de grammaires hétérogènes ou antagonistes. Ainsi par exemple a-t-on vu, aidé sans doute par un mécanisme d'attrition démographique, la disparition de l'habitus de l'homme d'État tel qu'il a pris sa forme accomplie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'expression « homme d'État » n'étant pas à comprendre au sens usuel du grand homme et de ses individus porteurs des logiques propres de la puissance publique, de sa grammaire d'action et de ses intérêts spécifiques. Aux fonctionnaires ou grands commis, jadis homme d'État parce que dévoué aux logiques de l'État, et déterminé à les faire valoir contre les logiques hétérogènes, celles par exemple du capital ou de la finance. Ils sont une espèce en voie de disparition, et ceux qui aujourd'hui entrent dans la carrière n'ont pas d'autre horizon intellectuel que la réplication servile, et absurde, des méthodes du privé. D'où par exemple les monstruosités du type RGPP, la révision générale des politiques publiques. Ni d'autre horizon personnel que le pantouflage qui leur permettra de s'intégrer avec délice à la caste des élites indifférenciées de la mondialisation. Les dirigeants nommés à la tête de ce qui reste d'entreprises publiques n'ont ainsi rien de plus pressé que de faire sauter le statut de ces entreprises, conduire la privatisation, pour aller enfin rejoindre leurs petits camarades et s'ébattre à leur tour dans le grand bain des marchés mondiaux, de la finance, des fusions-acquisitions, et accessoirement des bonus et des stock-options. Voilà le drame de l'époque, c'est qu'au niveau de ces gens qu'on continue à appeler, on se demande pourquoi tant leur bilan historique est accablant, des élites. Il n'y a plus nulle part aucune force de rappel intellectuel susceptible de monter un contre-discours. et le désastre est complet quand les médias eux-mêmes ont été, et depuis si longtemps, emportés par le glissement de terrain néolibéral, le plus extravagant tenant à la reconduction des éditorialistes, chroniqueurs, experts à demi vendus et toute cette clique qui se présente comme les précepteurs éclairés d'un peuple nativement obtus et éclairable par vocation. On aurait pu imaginer que le cataclysme de l'automne 2008 et l'effondrement à grand spectacle de la finance conduiraient à une non moins grande lessive de tous ces locuteurs émergents engueignés des ruines fumantes, mais rien du tout, pas un n'a bougé. Fin de cette cinquième partie. À bientôt. Biz numérique.